Diantre, dit le peintre, il est fameusement beau à dessiner. Dis-moi, menée de Monseigneur le Bourreau, gouverneur de la Veuve, nom plein de terribles poésies que les forçats donnent à la guillotine, ajouta-t-il en se tournant vers le chef de la police de sûreté, sois bon enfant, dis-moi si c'est Fil de Soie qui m'a vendu. Je ne voudrais pas qu'il payât pour un autre, ce ne serait pas juste. En ce moment, les agents qui avaient tout ouvert et tout inventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au chef de l'expédition. Le procès-verbal était fini. « Messieurs, dit Colin en s'adressant aux pensionnaires, ils vont m'emmener. Vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici. J'en aurai de la reconnaissance. Recevez mes adieux. Vous me permettrez de vous envoyer des figues de Provence. » Il fit quelques pas et se retourna pour regarder Rastignac. « Adieu, Eugène, dit-il d'une voix douce et triste qui contrastait singulièrement avec le ton brusque de ses discours. « Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. » Malgré ses menottes, il put se mettre en garde, fit un appel de maître d'armes, cria « Une, deux !» et se fendit. « En cas de malheur, adresse-toi là. Homme et argent, tu peux disposer de tout. »